domenica mattina, una brezza malinconica. Rome antique, un court métrage de Yann Corridian, une réalisation de Michel Sidorov. Viaggiatori in cerca di emozioni forti a cui approdare. Intérieur matin, chambre. Un jeune homme et une jeune femme dorment tout habillés, chaussures y compris, allongés sur un lit à même le matelas, sans drap. Ils ont leur manteau, il tient son oreiller, et elle le tient lui en cuillère. La chambre est une grande mezzanine. La lumière est rasante. Il se réveille, regarde sa compagne dormir. Ses cheveux sont emmêlés. Elle a un filet de bave qui coule de sa bouche. Il regarde tout autour de lui, comme s'il découvrait les lieux. Il se lève sans faire de bruit. Il s'étire. Elle remue, mais dort toujours. Il se penche vers elle, lui met délicatement la main sur la bouche. Ça la réveille. Elle ouvre les yeux, étonnée. Chut, ne dis rien. Viens vite, ils sont là, dehors. Il faut qu'on descende à la cave. Mais qui ? Quelle cave ? Ben, Mussolini, tiens. Et ses troupes, ses sbires, sa clique. T'es con. Il faut qu'on trouve des draps, quand même. Ils ouvrent un premier placard. C'est un placard à chaussures. Ils referment. Judith s'approche d'une autre porte. Là ? C'est la salle de bain. Ils visitent. François, habillé, s'allonge dans la baignoire. Pas mal. À côté de la baignoire, une panière à linge sale. François prend un vêtement, il le sent. Même le linge sale est propre. Lâche ça, t'es immonde. Intérieur matin, cuisine et salon. En bas, près de leur sac de voyage posé dans l'entrée, François se change. Il est tout nu et sort des habits propres de son sac. Tu vibres. Il décroche et se cache précipitamment le sexe d'une main en entendant la voix. Maman ? Je peux te rappeler là parce que je peux pas vraiment parler. Maman ! Excuse-moi mon chéri, mais c'est important. T'es assis ? Assis ? Non, vas-y, dis. Assieds-toi, je te dis. Assieds-toi, François. Il regarde autour de lui, n'ose pas s'asseoir à poil sur le canapé. Il cache toujours son sexe. Judith comprend et lui avance une chaise au milieu du salon. François s'assoit. Mon chéri, tu sais que pendant les guerres, n'importe quelle guerre... Les quoi ? Les guerres, mon chéri, les guerres. Pendant les guerres, les gens sont perdus. Ils n'ont plus de repères, ils se tournent à droite, ils se tournent à gauche, ils cherchent... la solidarité, l'entente même minimale. Ils cherchent un jambon, un livre de pain, un livre précieux, une poignée de main. Ils cherchent même un baiser après le couvre-feu, au coin d'une rue épargnée, sous un porche encore debout. Maman, tu veux en venir où exactement, là ? Judith vient le couvrir, tant bien que mal, avec un t-shirt sur les épaules. Il tient toujours son sexe caché. François, il faut que je te dise, j'ai un doute. Un affreux doute. Je pense que ton père n'est pas ton père. Voilà, c'est dit. Tu es issu d'un de ces baisers après le couvre-feu pendant la guerre. Maman, mais quelle guerre exactement ? C'était fini, la guerre, quoi. Les Malouines, mon chéri, les Malouines. Je te parle des Malouines. Les Malouines, d'accord. Maman. Oui, mon chéri. Bon, tu vas bien m'écouter. Tu prends quelques affaires et tu vas direct chez Boris. Oui. Tu lui racontes, d'accord ? Oui, oui. Tu lui racontes exactement ce que tu m'as raconté. Il me tiendra au courant. Oui. Je t'embrasse, maman. Moi aussi, je t'embrasse. Oui, je t'embrasse. Il raccroche songeur. Les Malouines ? Elle a arrêté son traitement, quoi. C'est Boris et Sandra qui vont être contents. Intérieur matin, salle de bain, Appartement. La salle de bain est toute embuée. L'eau coule très chaude du pommeau de la douche. Vapeur partout. Judith, au téléphone, transpire à grosses gouttes. Elle est en maillot de bain et se regarde en même temps dans le miroir. Elle essuie la buée sur le miroir et s'inspecte. Elle tourne sur elle-même, réajuste le maillot. Non, mais je fais couler l'eau, il n'entend pas. Je te jure, Émilie, il n'entend pas. Il fait super beau ici. L'appartement est vachement bien. Non, ça pourrait être bien, franchement. Non. Je sais pas comment aborder le sujet. Je me donne un peu de temps, non? Je lui parle tout de suite. On a des billets qu'on peut pas échanger. Imagine le cauchemar. Il y a la plage à Rome? Ostie? Ostie, d'accord. Ah, je suis toute molle, là. C'est le hammam. Ouais, tu crois? Je sais pas. Je sais pas, j'ose pas. Mais t'as raison. Bon, je t'embrasse. François? Trop beau le maillot, chérie. Trop beau. François? Extérieur matin, perron de l'immeuble, rue à Rome. François, assis en bras de chemise sur le perron de leur immeuble, fume une cigarette. Il regarde autour de lui, une petite place avec un café, de jolis immeubles anciens à 3 ou 4 étages, quelques arbres. C'est dans le Trastevere, un quartier de Rome. Des gens passent, mais ce n'est pas très animé. Il est tôt, il fait très beau. François savoure sa cigarette. Venant du café sur la place, un serveur avance précautionneusement en portant une tasse et une soucoupe. Il traverse la place et se dirige droit vers François, toujours assis sur les marches. Le serveur en habit s'arrête devant François et lui tend le café avec un grand sourire. Eccolo qua il tuo bel caffè. Non voglio. Ah, ma guarda, questo è un caffè, caffè, eh? Grazie, ma non. Ma non avevi voglia di un caffè? Ecco la tua sigaretta. E dai, una sigaretta senza caffè è un peccato, eh? François sort son portefeuille. Non. Mi devi offendere adesso. Questo te lo offro io. Et il repart jusqu'au café. François est tout surpris. Il regarde autour de lui pour voir s'il y a des témoins à ce qui vient de se passer. Il boit son café, rallume une cigarette. Judith le rejoint. Attends, un type m'a apporté un café sans que je demande. Le type là, du bar en face. Attends, il a traversé la place avec un café, et il me l'a apporté, je te jure. Tu le connais d'avant? Mais non, il n'y avait pas de bar avant. C'est bizarre, non? Tiens, les clés. Je t'ai pris ta veste aussi. Elle enlève la veste qu'elle a sur elle et la lui passe. Il la met, il empoche les clés. Extérieur jour, rue du Trastevere. François et Judith marchent main dans la main dans une rue de ce joli quartier de Rome. Ils passent devant une petite trattoria devant laquelle il y a une queue. Manifestement, c'est une bonne cantine de quartier. T'as faim? Je suis barbouillée. T'es pas content d'être là, quoi? T'es barbouillée, tu dis rien? Tu me tiens la main du bout des doigts? Mais non. Elle lui prend la main, plus fermement, entrelace ses doigts avec les siens. Elle lui embrasse la main. Un homme et une femme passent. Salue chaleureusement François. L'homme s'arrête et sans un mot vient serrer la main de François. La femme, intimidée, s'approche et lui serre la main à son tour. Gentil sourire à Judith. Et repartent sans un mot. Judith et François s'arrêtent, surpris, et se retournent sur le couple qui s'éloigne. C'était quoi, ça? L'homme, quelques mètres plus loin, se tourne encore vers eux et refait « Ciao » de la main. Tu les connais? Mais non, je te jure, je comprends pas. Une dame sort du restaurant où il y a la queue. C'est la patronne. Elle a un tablier autour de la taille, une bonne tête de romaine. Elle se fraye un chemin parmi les gens qui attendent. Elle se plante devant François et Judith. Ti chiamo, vieni. Ma un tavolo per te e la tua ragazza. E tutti, questi gentili. Ma dai, lascia perdere. Elle les entraîne vers le restaurant. Les gens qui attendent s'écartent plus ou moins pour le laisser passer. Judith les regarde et s'excuse muettement. Intérieur jour, trattoria. C'est une petite trattoria, mais elle est bondée. La patronne les laisse devant une table pour deux, la seule table libre. Ils font tâche, ce sont les seuls touristes. Deux fils, elle pose sur la table une bouteille d'eau gazeuse et du pain. Bon, tu voulais pas du vin ou une bière? Sans déconner, c'est bizarre, non? C'est pas possible. Tu les connais et tu te souviens pas. T'es pas venu avec Alessia? Jamais. Je dois ressembler à quelqu'un. En même temps, quelqu'un de roux, français et accompagné d'une antilope à cheveux longs. Une antilope? Ouais, bah l'antilope, elle doit te parler. Oui, mon chéri. On avait dit pas de téléphone, chéri. Pas de téléphone intempestif. Intempestif, c'est sans raison, sans logique. Voilà. Pasta al tartufo. Non, ce n'est plus. Ma per voi, non c'è problema. Elle dit qu'il n'y en a pas pour tout le monde, mais pour nous, il y en a. Grazie. Non, mon chéri, c'est pas le moment. Oui, bon, bah tu dis à Mathieu que je le raconterai une autre fois. Tu la connais par cœur, tu la racontes, toi. Non, Nathan, je ne te raconte pas le punk qui avait chié dans le couscoussier. Judith sourit et entame ses pattes. Tu sais très bien. C'est quelqu'un qui ne croit pas en l'avenir, qui ne croit plus en rien. Qui ne croit même pas à demain. Je t'embrasse, chérie. Non, je t'embrasse, c'est tout. Salut. Tu raccroches le nez de ton fils? Mais je l'embrasse. Je l'embrasse. Toi aussi, je t'embrasse. Qu'est-ce que tu voulais me dire? La patronne passe et lui ébouriffe les cheveux chaleureusement. Ma che rossi questi capelli! Et donc tu la connais pas? Pardon, monsieur. Vous voulez pas m'ébouriffer les cheveux avec amitié? Scusa, non capisco. Niente, niente. Scusate, veramente. E buon appetito. Grazie. Ma come ha fatto ad ottenere la pasta al tartufo? Era finita? Je sais pas comment on dit. Ils haussent les épaules tous les deux, ne sachant pas comment expliquer. Extérieur jour, devant la trattoria. Judith fume dehors, elle vérifie son portable. Apparemment, pas de message. Elle le range vite. François sort du restaurant en rempochant son portefeuille. Alors, bonbon, non? Pas du tout. Elle m'a fait un prix. C'était 40 et elle m'a dit « Per te 25 ». Elle a barré 40, voilà. Excuse-moi, mais je trouve pas ça normal du tout. T'es là, comme dans ton petit royaume. Et vas-y que je te caresse les cheveux, tout le monde te connaît. Tiens, regarde la petite vieille là. Elle vient vers toi, je te jure. Ma che bella coppia, che bei ragazzi. Per lei, posso darle un'immagine? En fait, c'est à Judith qu'elle tend une petite image pieuse. Grazie mille. Ma tu vois? À ce moment, la vieille se penche vers François. Voi, posso darle un bacio? Ciao ragazzi. Ciao. Je te jure que je ne comprends pas. Je trouve ça agréable, mais je comprends pas. C'est nous, on a une bonne tête, on est amoureux, on fait envie. C'est pas nous, c'est toi. Dis-moi quoi, c'est la grand-mère d'Alessia, c'est ça? C'est miraculeux, c'est ça? On a la grâce, c'est ça? Ben oui. On a la grâce, non? T'es belle, je suis belle, là-haut, on est à Rome, quoi. Non, on n'a pas la grâce. Pourquoi? Parce que... Il faut que je te dise quelque chose. Le portable de François sonne. Il hésite. C'est mon frère, je suis obligé de répondre. Non, je suis pas obligé de répondre. Putain, la terrine, je suis sûre. Qu'est-ce qui t'a pris de faire une terrine alors que c'est ton frère, le cuistot de vous deux? À mon avis, c'est à propos de ma mère. Attends, j'écoute le message. Un bip de message. François écoute. Ma mère, la terrine, enfin, il est dégoûté par la vie. Il t'embrasse. Viens, on marche. T'as pas trop mal aux pieds? Ça va. Il lui prend la main. Elle se laisse faire. Ils commencent à marcher. À quelques mètres arrive un homme, un sac de provisions à la main. Judith le regarde avec méfiance, regarde François. Ouf, l'homme les croise sans qu'il ne se passe rien. François regarde Judith, amusé. Tu vois, c'est pas systématique. Viens, il y a une église un peu plus loin. Jamais tu me demandes ce que je voulais te dire. Si, pardon chérie. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Ma chérie. Ma chérie, dis-moi. Un homme s'approche. Derrière lui, en retrait, une femme tient deux enfants par la main. Judith lâche la main de François et fait quelques pas excédés. Vous, je vous préviens. Je vous préviens tout de suite. Je ne parle pas un putain de mot d'italien. Alors je vais vous le dire en français. Je sais pas ce que vous lui voulez encore, mais moi j'en peux plus. Vous confondez tous. À lui serrer la main, lui caresser la tête et lui faire moitié prix sur tout. Non mais vous confondez, c'est pas lui. Je sais pas qui vous croyez que c'est, mais c'est pas lui. Et non. Et... Bon, arrête Judith là, arrête. Le couple est interloqué. Et t'es là, tu te pavanes avec tes petites réductions et tes bisous gratuits. On est juste nous, quoi, du 12e arrondissement. On est juste un couple en goguette. Et le Colisée, et le Vatican, et le Panthéon, et le Parthénon, et la Piazza del putain de Popolo, et le Palais Farnese, hein. Qui y va pendant ce temps? Pas nous. Pas nous. Le Parthénon, c'est à Athènes, mon inculte beauté. Scusate, signore, siamo un po' nervoso, nervosi. Non mais je comprends pas l'italien non plus. On est de trappe. Je voulais juste vous demander où était la basilique de Santa Maria du Trastevere, avec les lions et les palmiers et les mosaïques sur le fronton, c'est ça? Et les colonnes à l'intérieur. Il y a des colonnes à l'intérieur. Je suis désolée, je... Pardon, j'ai pas fait peur aux enfants au moins. C'est que tout le monde croit le connaître et... L'homme soudain très absorbé dévisage François avec attention. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous aviez 12 ans en 1984? Oui. Vous faisiez du camping dans le Péloponnèse. Et votre père Charles s'est cassé une dent dans une olive. Une olive de Kalamata. La dent est restée fichée dans l'olive. On y va, non? François, c'est bon, là. Moi, j'y vais. Bon, bah, merci, monsieur. Au revoir, madame, les enfants, au revoir. Extérieur jour, ruelle, Rome. Judith tourne dans une petite ruelle. Machinalement, elle lève les yeux pour repérer le nom de la rue. C'est le quartier du Trastevere. Les rues sont encaissées et étroites. Judith tourne à gauche, revient sur ses pas, tourne à droite. Elle est perdue. Elle repart dans l'autre sens. Au détour d'une ruelle, apparaît François. Il cache quelque chose dans son dos. Elle est soulagée de le retrouver. T'es où ? J'arrive seule comme une miséreuse, j'avais faim, j'avais froid, j'allais mourir. J'ai senti sur moi le souffle de la mort. Ferme les yeux. Quoi ? Ferme les yeux, je te dis. Elle ferme les yeux, sourit. Oh chérie. Elle tend la main à plat devant elle. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? Il sourit. Ah mais je te passe pas une bague au doigt, c'est pas une demande en mariage. Ferme les yeux. Ah mais je pensais pas à ça. Menteuse. Il lui met un casque de scooter sur la tête. Ton jour viendra. Elle ouvre les yeux. Si je veux. Il lui attache le casque sous le menton. Il met lui aussi son casque. T'as volé un scooter? Ah non, on t'a donné un scooter. Quelqu'un s'est approché et t'a donné son scooter. Prêté. Ah, j'ai pris ton maillot. Je déconne, hein, je l'ai loué, personne m'a prêté son scooter. Hostie. Extérieur jour, route entre Rome et Ostie. Judith et François roulent en scooter à toute allure. Extérieur jour, plage d'Ostie. Une route borde la plage. Les voitures sont garées le long de la route. Il y a un peu de monde sur la plage. François et Judith s'approchent du type qui s'occupe de garder les voitures. François sort un billet de sa poche. Judith se méfie. Effectivement, le type fait signe que ce n'est pas la peine. Grazie. Niente. François se tourne vers Judith, amusé. Ils escaladent un muret et descendent sur la plage. Judith enlève ses chaussures. Elle regarde les pieds de François, toujours en basket. Ne compte pas sur moi. Les chaussures, juste les chaussures. Je sais bien que tu ne supportes pas d'être en maillot devant tout le monde. Tout maigrelet que tu es. Je suis pas maigre, je suis sec et affûté. Fous-toi de ma gueule, oui. Il s'arrête à une dizaine de mètres de l'eau. François s'assoit, tout habillé. Judith commence à enlever sa culotte sous la jupe qui lui arrive au genou. Elle se glisse dans son maillot, enlève sa jupe, son t-shirt et s'assoit à côté de lui. T'es trop belle en maillot. Quoi ? Rien. T'es trop belle en maillot. Ça t'a plu aujourd'hui ? C'est-à-dire ? Tout. Je me suis donné un mal de chien et je voulais t'impressionner. Les pâtes à la truffe, t'en avais déjà mangé ? Je dois 30 euros à la trattoria, 10 au mec de la plage. J'ai eu du mal à trouver Jean-Claude, mais heureusement, mon père m'avait dit qu'il était à Rome. Jean-Claude ? Oui, Jean-Claude de Trappe. T'étais contente ? T'as eu ton petit moment ? Je ne te crois pas. Dis-moi que c'est toi, que c'est ton charme. Tu disais qu'on avait la grâce, qu'on faisait envie. Tu disais que non, que c'était impossible, qu'on me confondait. Qu'est-ce que tu préfères, hein ? Qu'est-ce que tu préfères ? Dépêche-toi parce que tous ces figurants, là, ça me coûte un bras, en fait. T'es trop con. Elle se penche et finit par l'embrasser. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Elle le regarde, longuement, hésite, regarde autour d'elle. Les enfants jouent, des gens sortent de l'eau et viennent rapidement se sécher. Elle le regarde à nouveau. Rien, c'est pas important. Elle s'allonge, il s'allonge aussi. Fin. C'était Rome antique, un court-métrage de Yann Corridian, avec Charles Templon, Audrey Meul, Bruno Labrasca, Morissette Gourdon, Vincenzo Caputo, Liliana et Marie Atamoussine, Emmanuel Lemire. Bruitage, Jean-François Bernard Sugy. Prise de son, montage et mixage, Philippe Carminati, Marie Lepeintre. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidoroff.